Voici, en 10 minutes environ, l'intégrale de « Histoire vraie », nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée en 1882. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, octobre 2018.